Ouais. Hey, l'avenir faut le saisir maintenant. J'encule la parole des gens. Je les voyais sourire bêtement. Les mêmes reviennent en rampant. Depuis, je suis moins élégant. Je me force à serrer les dents et à parler poliment. Et à dire du bien des gens. Le cendrier est rempli. L'alcool me fait plus vomir. Je me dis que ça y est, j'ai grandi. Que je peux vivre à l'infini. Un accident, ça vient vite. Pendant l'ambassade de Chine, j'ai perdu mon Daichi. Mon le temps coule et pâlit. J'ai vu passer l'hiver. J'ai vu passer l'été. Je reconnecte avec le monde externe que quand je suis extrait. Et moi, je finis écrou. C'est pas béné béné. La tôle c'est comme la tease ou comme la club. Ça nuit à la santé. Fuck tes commentaires, j'suis pas à la porte plaire. Ouais, t'es soit un pas à l'affaire ou va niquer ta mère, frère. Quelques billets mauves, quelques billets verts. Que Dieu m'épargne d'avoir à payer. Pension alimentaire, mais tout de même. Ouais, ça va, c'est dur mon ref. Mashallah, tout de même. Ouais, ça va, c'est dur mon ref. Mashallah. Le jour où tu te fais tout rare, les gens disent que t'es bizarre. Y'a ceux qui crient force à toi, y'a ceux qui viennent au parloir. On parle pas mais on observe, écoute-moi il fait pareil. Je devais surveiller ma santé, mais c'est la santé qui me surveille. Ça me fout trop la nuée, je me réveille les poings serrés. J'ai croisé des humains, wesh, en 7 mois ils ont craqué. Si t'as connu Cafou, tu peux m'appeler Paquita. J'ai pété toutes tes chicots, si je t'étais ma matica. Je veux marier une couleur ébène, c'est elle qu'il nous faut kiffer. Je peux pas rentrer du boulot sur la pleuta, y'a pas de ma fée. Même au star, je fais l'actu. Direction, on aura le cul. Gros, j'ai pas d'avantage. J'suis comme toi, j'ai un négro et un péque. Mais tout de peine, ouais, ça va. C'est lui mon ref. Mashallah, tout de peine, ouais, ça va. C'est lui mon ref. Mashallah, ouais, ouais. Ah bah, ouais. Ouais, ouais. Ah bah, ouais. La sortie c'est que du S. Il me faut le dernier Mercedes. L'ancien me disait c'est dans la tête. Ouais, la sortie c'est que du S. La sortie c'est que du S. Il me faut le dernier Mercedes. L'ancien me disait c'est dans la tête. Ouais, la sortie c'est que du S. Que du S. Dodo bang, t'es l'heure mon ref. Dodo bang, t'es l'heure mon ref. Dodo bang. Et lourd mon ref, tout de bien. Ouais ouais, ouais ouais. Ah bah ouais. Ouais ouais. Ça chauffe jamais.